Jusqu'à l'abandon, balançoire vide, il est tard sans l'horizon pour me servir de guide. Tous les soirs, ma passion attend comme la veille, attend une vie faite de belles choses. Tous les soirs, se dire. Si possédé au soleil.